devenu clochard, devenu poivreau, devenu ringard, je n'ai pas eu de peau. J'suis devenu clochard, devenu ringard, j'ai besoin de secours, je vis le jour le jour. Chômeur longue durée, je voudrais bien travailler, mais je suis plus qualifié, je suis périmé, je me suis mis à picoler pour pouvoir oublier les dades réclamées que je ne pouvais guère payer. Devenu clochard, devenu poivreau, devenu ringard, je n'ai pas eu de peau. J'suis devenu clochard, devenu ringard, j'ai besoin de secours, je vis le jour le jour. Je dois défendre mon territoire dans les sous-sols bizarres, à l'intérieur de ces gares, pour oublier ce cauchemar. Je sirote du pinard, ça chasse mon cafard qui me redonne de l'espoir. J'suis devenu clochard, devenu poivreau, devenu ringard, je n'ai pas eu de peau. J'suis devenu clochard, devenu ringard, j'ai besoin de secours, je vis le jour le jour. Crevassé, figure violacée, je suis toujours bourré, j'ai du mal à avancer, j'ai perdu mon toit, ça n'arrive pas qu'à moi, c'est vite arrivé, croyez-moi, je vis comme un rat, je suis devenu clochard. Devenu poivreau, devenu ringard, je n'ai pas eu de peau. J'suis devenu clochard, devenu ringard, j'ai besoin de secours, je vis le jour le jour. Devenu poivreau, devenu ringard, je n'ai pas eu de peau. J'suis devenu clochard, devenu ringard, j'ai besoin de secours, je vis le jour le jour.